Çok selamda. Big de badada. C'est ma freestyle avec un tout nouveau style. Oh. C'est pas banal, faut que ça reste dans les annales. Et ouais, c'est moi dada, si tu me reconnais ou pas. C'est moi le meuf d'une raga, et je vais faire cette chanson là. Oui, c'est vrai que c'est vite fait. Une musique à partir de IJ. Mais écoute-la bien, tu vas changer d'avis. Oui, j'en suis certain, c'est moi qui te le dis. C'est le beat de Badada. Dada, mec.